suis Batman, pas Jean Coutu. Et vous, Capitaine Curve? Qu'est-ce que vous écoutez? Comme musique, je veux dire. Viande blanche que je voulais, viande blanche, pas de la putain de viande brune avec la tiraille dedans. Le Capitaine Curve, il écoute du Francis Martin. Je vous entends tous les soirs dans votre cabine. I am Major! Quant à Spock, lui, eh bien, il écoute du Kathleen. Et il se fait aller les oreilles. Hein, ça se passe là, ça se passe dans la joute oratoire. Radio-Tour de CKRL, c'est toujours une occasion écœurante pour vous voir, une occasion pour partager du bon temps à l'entour d'une bonne bière et surtout voir des groupes ici dans nos studios du 405 3e Avenue à Limoilou. On vous invite à venir, il y a de la place, il y a de la place, il y a de la bonne bière, mais il y a surtout ici un invité très spécial que je vous présente dans quelques instants. Mais avant toute chose, j'aimerais vous présenter un auditeur de Démentiellement Vôtre. Depuis, vous savez, on célébrait le 15e anniversaire au mois de février, Yvan. Et parmi nous ce soir, une bonne main d'applaudissements. Laissez-moi vous dire que je suis le plus écœurant que vous avez jamais rencontré. Ah, le rire aussi est là! Yvan, tu fais ma soirée. Enfin, on a réussi à se voir. On a réussi à avoir du plaisir ensemble ce soir. Ça a été court, intense, mais très plaisant, comme le dirait le... Qu'est-ce que tu dis, Yvan? J'aime bien. Ça fait longtemps que j'écoute CKRL, d'ailleurs. Depuis 45 ans? 40 à peu près. Ouais. Ouais. Attends! Avant ça, j'étais dans le berceau, puis là, j'étais pas dans la même sorte de biberon. T'es rendu houblon. Là. Un peu plus. Ouais. Hey, Yvan, merci beaucoup d'être passé, puis j'espère que tous les auditeurs de CKRL vont faire comme Yvan, qui s'est déplacé de la rive sud, très loin dans la campagne, pour venir nous voir. Alors, bravo, c'est tout à ton honneur, Yvan. Un dernier. Faites-vous en pas, même quand ça va être légalisé, là, on n'en fumera pas moins. Si. OK. C'est parti de même. Alors, le Radio-Ton, je vous le rappelle, c'est toute la fin de semaine pour ceux qui viennent de joindre à nous. Les émissions 24 heures sur 24. Il y a des groupes, il y a des encans. Allez faire un tour sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca. Vous pouvez miser sur ni plus ni moins que 95 lots. Alors, il y en a pour les fous, pour les fins. Il y a des séjours dans des parcs de la CEPAC. Il y a aussi des forfaits couettes et café, un dîner avec Madame Agnès Malta à l'Assemblée nationale. Et j'en passe. Alors, le Radioton, c'est une occasion spéciale, oui, pour parler avec des artistes. Mais ce soir, je voulais aussi parler avec Carl-Emmanuel Picard, qui est promoteur, propriétaire de District 7 et aussi de l'Anti-Bar et Spectacle. Salut, Carl. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va bien. On parle souvent aux artistes, on parle souvent aux gens qui font la musique à l'émission. D'ailleurs, tantôt, dans une trentaine de minutes, vous aurez une entrevue avec Max Cavalera de Soulfly que tu as reçu le 16 mars dernier à l'Anti. Mais ce soir, je voulais surtout parler un peu du volet qu'on connaît un peu moins. Le volet de promotion, le volet un petit peu plus technique de salle, parce qu'on est habitué à Québec à avoir plein de spectacles. On est habitué à aller dans différentes salles, mais des fois, on se pose pas des questions. Comment ça fonctionne? Comment on amène des groupes ici à Québec? On a entendu dire très souvent que Québec, c'était un peu le fond de rang, les groupes avaient de la misère à venir. Et toi, tu produis des spectacles ici à Québec depuis au moins 10 ans? En fait, plus que 10 ans, je te dirais. Puis au début, en fait, j'étais un fan de musique à la base. J'allais voir des spectacles. Puis à un moment donné, j'ai décidé que j'allais commencer à en organiser. Puis depuis 3 ans, je suis propriétaire de l'Anti. Donc maintenant, quand je me lève le matin, je pense juste à booker des shows. Le but à l'Anti, c'est qu'il y ait 360 shows par année, à chaque jour, n'importe quel genre de band qui ont du talent, on les fait venir à l'Anti. Donc, souvent, les groupes m'écrivent, mais des fois, c'est moi qui les contacte aussi pour prendre des arrangements avec eux. Parce qu'effectivement, Québec, c'est pas un marché principal, c'est un marché secondaire. Et donc, quand tu as commencé à booker des shows, est-ce que tu étais dans un style particulier? Ben, c'était le punk, le metal, en fait. T'sais, le premier show que j'ai fait, c'était dans une maison des jeunes. Ensuite, c'était dans un bar à l'Échouerie. Je faisais payer le monde dehors. Je pouvais même pas rentrer dans le bar. Ben, ça fonctionnait. Ça fonctionnait parce que le troisième show que j'ai fait à l'Anti dans le temps... Le vieil Anti à la Côte d'Abraham. Je te dis, je suis tombé dans quoi qui a bien marché parce que j'avais réussi à vendre 400 billets. Je me souviens, j'avais un tiroir chez mes parents, j'avais pu mettre toutes les recettes du show parce qu'à l'époque, tu sais, il n'y avait pas d'arrangement pris avec les groupes puis des contrats, puis c'était vraiment la bonne franquette. Puis j'avais clairement réussi à vendre 400 billets à genre 7-8 piastres. Fait que tu sais, à l'époque, quand j'avais 12-13 ans, c'était quand même un exploit, là. Un grand exploit. Est-ce que dans le marché de Québec, est-ce qu'il y a trop de salles, il n'y a pas assez de salles pour le nombre de groupes qui pourraient venir? En fait, je pense... Il n'y aura jamais trop de salles ou pas assez de salles. Je pense qu'il manque juste de curieux. À Montréal, là, c'est une grande ville, puis il y a des gens qui vont dans les salles de spectacle voir les spectacles sans savoir c'est quoi. Ils vont découvrir de la musique, tandis que Québec, il n'y a pas... toutes les maisons sont très loin à l'extérieur de la ville. Les gens vivent peu au centre-ville parce que les maisons sont abordables. C'est difficile de se rendre ici. Donc, souvent, tu te promènes au centre-ville, il n'y a pas grand monde dans les rues. Donc, ce que je trouve qui manque, c'est des curieux. C'est plus une clientèle de jour, si on veut. Ben, des travailleurs, en fait. Puis le soir, ils quittent dans leur maison. Puis il y a peu de touristes, je trouve, à Québec. Pis, moi, j'aimerais ça à un moment donné. Ça arrive des fois, il y a du monde qui arrive à l'anti. Ils ne savent pas c'est quoi. Puis ils ont décidé de venir entre amis pour découvrir de la musique. Puis c'est ce que j'aimerais autant que possible un jour qu'il se passe à Québec. Est-ce que dans les groupes que tu veux attirer, des petites salles, on a vu Soulfly, on en parlait au début de l'émission, le 16 mars dernier, Soulfly que moi j'ai vu à l'Agora, qu'on a vu sous une forme un petit peu plus, une incarnation un petit peu plus différente à l'Impérial avec Cavalera Conspiracy. Est-ce que d'attirer des gros groupes dans des plus petites salles, c'est gagnant pour l'anti, pour toi? Est-ce que de les convaincre de faire deux soirs, par exemple, comme Matt Barr l'a fait dernièrement, ou Adhésive pour ceux qui sont plus dans le monde punk rock, c'est une valeur ajoutée pour Québec si on peut leur proposer deux soirs plutôt qu'un soir dans une grande salle, deux soirs dans des petites salles plus restreintes? Ben moi, je pense que oui, parce que là, on leur trouve des chambres d'hôtel, ils restent à Québec, ils visitent, on relaxe, on apprend à se connaître, on a une relation. T'sais, souvent, quand les bandes arrivent un soir, on n'a pas vraiment d'échange. T'sais, maintenant, Matt Barr, je suis rendu proche d'eux. Parce que, tu sais, j'ai vraiment appris à les connaître, puis c'est super positif, en fait. Puis on se rend compte aussi que des fois, c'est un show un jeudi et un vendredi. C'est pas dit que le monde, le jeudi, n'ont pas du travail le soir, puis qu'ils peuvent pas, ils pourront pas aller au show. Donc, le vendredi, ils peuvent y aller. Donc, c'est super positif, selon moi, de faire des shows deux soirs. On va aller écouter un groupe, Carl, avec lequel tu as travaillé, The Space Icon. Parle-moi de ton lien un peu avec ce groupe-là. Ben, en fait... quand je faisais les shows à l'anti, dans le temps, dans l'autre anti, d'Espace 50, c'était dans les premiers groupes que j'ai fait. Puis j'ai même fait une tournée, leur dernière tournée à vie, partout aux États-Unis avec eux. J'étais leur tour manager, je vendais la merch. C'est mes meilleurs amis, là. C'est un groupe de Montréal. Un groupe qui va être aussi au Trois-Rivières Metal Fest cette semaine. Ben, en fait, en fin de semaine, ce soir et demain soir, c'est le Trois-Rivières Metal Fest à Trois-Rivières. Si jamais vous savez pas quoi faire, si jamais vous êtes venu ici puis que finalement vous avez passé tout votre vendredi puis que samedi vous voulez revenir le matin, vous venez, mais le soir, il y a des shows là-bas, dont The Space Icon et Obey the Brave, qui est en tête d'affiche du festival. Alors, on va écouter The Space Icon de leur plus récent album, Drapeau Noir, et on revient tout de suite après, on continue notre brain jazzette sur la scène de Québec et le métal avec Carl-Emmanuel Picard de District 7. Alors, The Space Icon, Drapeau Noir à Démentiel Marveau. Rock the love to you. Rock the love. Rock the love. Vous êtes toujours au Radioton de CKRL 89.1, c'est démentiellement vôtre jusqu'à minuit. Dans quelques instants, The Outburn est en train de s'installer. Si vous êtes dans le coin, même si vous n'êtes pas dans le coin, dans les environs de 23 heures, The Outburn va nous offrir une prestation ici en direct de nos studios au 405 3e Avenue à Limoilou. Vous venez, il y a de la bière, il y a du beau monde, il y a du fun, alors on vous attend. C'est le Radioton, soyez généreux. Et si jamais vous ne pouvez pas venir, vous pouvez toujours nous écouter et partager la bonne nouvelle. On fera un Facebook Live de la prestation tantôt sur la page de Démentiellement Vôtre. Alors c'est un rendez-vous sur Internet ou encore ici en personne. L'important, c'est que vous nous écoutiez. On aime ça vous voir et on aime surtout ça, que vous contribuez et que vous soyez généreux. Alors, on vous attend en fin de semaine ici au 405 3e Avenue. Il y en a pour tous les goûts. Et vous pouvez aussi faire un petit tour sur notre site ckrl.qc.ca. Là-dessus, vous pouvez faire évidemment une généreuse contribution. Vous pouvez donner de l'argent. Vous pouvez acheter votre carte de membre. Vous pouvez miser aussi aux encans nous appelant au 640-418-640-2575. Encore une fois, dans quelques minutes, entrevue avec Max Cavalera de Soulfly que j'ai réalisé le 16 mars dernier à Lanty, ici à Québec. On parle de toutes sortes de choses et on aura évidemment du Nelbomb et du Soulfly aussi en musique. Alors, prochaine demi-heure qui va être bien remplie, mais tout juste avant de s'y rendre, je vous rappelle, je suis avec Carl-Emmanuel Picard de District 7. Carl, on parlait des salles, on parlait des shows métal. Côté métal, est-ce que tu as vu une différence dans la foule comparativement à v'là peut-être 10-12 ans? Est-ce que tu vois que les gens qui vont dans les shows métal ont encore une binette très jeune ou si l'âge a augmenté? Des fois, on a comme perception que, je sais pas, les shows de prog, c'est plus les personnes, la gang à Michel Dubois qui va voir du blues ou encore qui va voir le prog. Mais dans le métal, est-ce que tu as vu une certaine courbe? Est-ce que la crowd est restée jeune? Est-ce qu'elle a vieilli? En fait, c'est dur d'avoir une crowd très jeune parce que les shows principalement sont dans des bars. Quand moi j'ai commencé à aller voir les shows, c'était dans des salles all age. Puis c'était facile de tout le temps avoir une nouvelle foule, mais maintenant, je dirais que le monde est assez vieux. Je te dirais entre 25 puis 40 quelques années. Ce qui est le fun maintenant, c'est qu'avec Lanty, on se réunit avant les shows metal, on fait des tailgate party qu'on appelle avec Bob, Ancestor Revenge. Mm-hmm. On fait des hot dogs, tout le monde se parle. C'est vraiment agréable, je pense, le lien qu'on a créé avec Lanty puis les shows metal. Même si les shows, exemple, sont à l'Impérial, ben les gens après l'Impérial viennent à Lanty. On commande des sortes de bières de des groupes métal qui existent. C'est vraiment... La chimie est vraiment bonne présentement. Est-ce qu'il y a une salle pour tous les âges qui devrait exister à Québec? En fait, je pense que l'idéal, ce serait des centres communautaires. Tu sais, une fois de temps en temps, là, un show genre dans une salle de chalet de colon ou une salle comme la salle multi, ça fait pas de tort. Là. J'ai fait Feels Like Home vendredi, j'ai vu à peu près 14 personnes qui avaient à peu près 15 ans. Mais ces gens-là, on les voit jamais parce qu'il n'y a jamais de show pour les jeunes. T'sais. Puis au centre ouais. d'Autron, les shows, c'est cool, mais c'est beaucoup trop cher pour ces gens-là. T'sais, des bières à 100$, les jeunes n'ont pas vraiment l'argent pour se payer ça. Pointe de pizza à 25, c'est sûr que ça peut être difficile sur le budget. Ouais. Est-ce que il y a des gros shows qui s'en viennent? Y a-t-il des shows que tu peux nous annoncer à Québec ou des petits shows même qui sont pas encore annoncés? C'est pas confirmé. Éventuellement, il va y avoir un show Dying Fetus. Ça fait la dernière fois, je pense qu'ils sont venus, c'est en 2013. Fait que je suis vraiment content. Ça fait un bout de temps, oui. Après ça, Venom Inc., peut-être. Après ça, Comeback Kid. Il y en a plusieurs, je te dirais. Plusieurs dossiers d'ouvert, comme ça? Fait, il y en a des tonnes. As-tu plus de demandes que ce que tu peux demander de faire venir? Ben, je vais reposer ma question. Là. As-tu plus de demandes de groupes que toi, tu fais de demandes à des groupes pour qu'ils viennent? J'en ai beaucoup, mais il faut quand même que je sois tout le temps alerte parce que, comme je te dis, on n'est pas une ville... Tu sais, souvent, ceux qui représentent les groupes, c'est des agents à Los Angeles. Fait que pour eux, Québec, ça veut pas dire grand-chose. Donc, il faut tout le temps que je sois... on the edge, là, à les contacter puis à m'assurer que ça fonctionne. Pratico-pratique, ça marche comment? Les agents de contact, c'est des groupes? J'imagine qu'un groupe n'a pas d'agent. Souvent, c'est les agents. Je te dirais, c'est plutôt rare, même les petits groupes, ils ont des agents maintenant. Okay. Ils me contactent, je les contacte. Et souvent, il faut que je fasse des offres. Ils veulent tout le temps plus d'argent. Mais il y en a des agents avec qui je m'entends bien, puis on réussit à avoir une belle progression. Mais tu sais, comme en fin de semaine, j'ai fait The Contortionist, puis il y a eu à peu près 80 personnes, puis c'était quasiment un offre comme un choix à l'impérial. Fait que tu sais, je me suis planté solide, mais ça brise un peu, ça brûle le groupe dans la ville. Ouais. Mais souvent, il y a des agents qui veulent l'argent, d'autres qui sont prêts à travailler avec le marché. Tu as des liens de confiance aussi avec certains agents qui te permettent d'avoir peut-être des groupes qui ne seraient pas passés ici d'une certaine autre façon? Oui, ben avec des relations comme Chant, Madball et tout, ben les groupes en parlent à leur agent. Ils disaient, hey, alors, mettons Tagada Jones, quand ils sont venus sur la Terra, je leur ai fait des filets mignons, j'avais le chapeau. J'essaie vraiment de pousser l'expérience des groupes le plus loin possible. Puis honnêtement, c'est que c'est tellement rendu, les shows souvent, c'est comme des avocats, des comptables, c'est du monde de même qui contrôle ça, même les shows métal, c'est rendu très sérieux, donc des fois ça devient un peu plate. Puis pour que je garde le plaisir à le faire, ben comme je te dis, tu sais, si je peux leur faire à manger ou si je peux faire un party avant, ben ça garde ma passion on, parce que sinon, faut tout le temps que je signe des contrats, que j'envoie des dépôts. Là, j'ai envoyé le dépôt, il y a 20$ de frais qui manquent. Là, il faut que je leur envoie un chèque à Los Angeles pour 20$. Sérieux, c'est vraiment tannant des fois. Ben écoute, on va se souhaiter d'avoir plusieurs spectacles dans les prochaines années de façon heureuse avec toi. Mm-hmm. Si, je sais pas moi, les gens ont des demandes, est-ce que tu es toujours ouvert aux... C'est moi qui réponds à tout sur Facebook. Toutes mes pages, là, okay. L'Anti-District 7, car je réponds à tous mes commentaires. Donc, si jamais il y a des groupes que vous voulez voir puis vous voulez inonder le Facebook encore plus en ce moment, inonder Carl encore plus. Je les lis toutes. Vous allez noyer Carl. Vous allez pouvoir aller sur le Facebook et faire vos demandes. Parenthèse, Madball, on parlait beaucoup d'Agnostic Front. On sait que les deux groupes sont comme liés. Agnostic Front, je pousse beaucoup. Puis là, je pousse avec Madball. Mais le problème, c'est qu'Agnostic Front, ils ont eu des mauvaises expériences peut-être dans le passé. Parce que quand tu es un groupe, tu viens au Canada, il faut que tu retiennes des taxes. C'est 24% du cachet si t'as pas les dérogations. Wow, OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, je parlais avec un énorme groupe qui sont venus dans un énorme salle, puis je leur ai retenu 7 000$ que j'ai envoyé au gouvernement, puis ils n'ont pas retouché cet argent-là encore. Parce que des fois, les groupes savent pas comment s'y prendre, puis ils font les démarches, puis ça ne vient jamais à eux. Ouais. C'est un petit frein, effectivement. Il y a des choses qui se passent derrière le travail. Le rideau, c'est ça. C'est ça, je te parlais des choses plates, là, mais ça, retenir des taxes sur un cachet de groupe, ça gosse. Mais c'est bon que tu viennes ici pour nous en parler, parce que c'est des trucs qu'on ne sait pas. Des fois, on se questionne pourquoi les groupes ne viennent pas, mais c'est parfois ça. Ouais. Carl-Emmanuel Picard de District 7, merci beaucoup d'être passé. Et on va prendre une bière à l'entier, évidemment, pour les prochains shows. Nous, on invite les auditeurs à venir ici au 405 3e Avenue à Limoilou. Et vous venez ici pour le show de The Outborn dans quelques instants à 23h. De l'autre côté de la publicité, on s'en va écouter une entrevue que j'ai réalisée avec Max Cavalera de Soulfly et aussi de Cavalera Conspiracy. Ils étaient à l'Antibar et Spectacle justement pour présenter l'album Point Black de Nailbomb, album qui est paru un peu comme un side project dans le temps que Max était dans Sepultura. Et si jamais vous voulez réentendre cette entrevue-là, c'est toujours disponible sur le site de l'émission de Démentiellement Vôtre, dv-metal.com. Et on va à la pause dans quelques instants. The Outborn en studio à 23h et entrevue avec Soulfly. Un peu de bruit ici, là! Vous écoutez le Radioton de CKRL 89.1. Dans quelques instants, je vous laisse avec une entrevue réalisé en compagnie de Max Cavalera, de Cavalera Conspiracy, Soulfly, Killer Be Killed, Nailbomb. Oui, Nailbomb, parce que Soulfly est à l'Antibar et Spectacle il y a de ça 2 semaines pour vous présenter l'album Point Black, un classique de 1994 dans son intégralité. Et j'ai pris quelques minutes pour jaser avec Max. On est en Radioton, venez nous rejoindre ici au 405 3e Avenue à Limoilou. The Outborn est en train de faire sa balance de son. Et par la suite, dès 23h, spectacle gratuit, évidemment, dans le cadre du Radioton. On vous demande d'être généreux, 640-2575 ou ckrl.qc.ca pour effectuer votre don. Here we go! On est le 16 mars 2018, je suis à l'Antibarré Spectacle, plus précisément dans l'autobus de tournée de Soulfly, l'idée par Max Cavalera que j'ai devant moi ce soir. Soulfly est ici ce soir pour jouer un album qui a été lancé en 1994 par le groupe Nailbomb, qui était un side project dans le temps, alors qu'il faisait encore partie de Sepultura. Et ce soir, Point Black est l'album de Nailbomb qui joue au grand complet à l'Antibarré Spectacle. Show sold out, encore une fois à l'Anti. Show à l'Anti qui sont très souvent présentés à guichet fermé. Donc, ça fait très plaisir de recevoir Max ce soir pour parler du projet de Nailbomb, mais aussi du futur de Soulfly. So, Max, thanks for having the time tonight. You've been touring this Nailbomb album for a few months and before 2018 too. We're on the second leg of this tour. What was the need to revisit this classic 94 album on 20 years after the release of this one? You know, people always ask me, am I going to do another Nailbomb? We love Point Blank. We want more. And, you know, it was a glorious idea to maybe you guys should get together, put together and have maybe Soulfly play Nailbomb, which was a brilliant idea. Mm-hmm. You know, Soulfly is a great band, very powerful band. And we put the power of Soulfly on top of Nailbomb, and it's perfect. It's we have my son Igor doing vocals and keyboards and samplers. It's fantastic, man. It's amazing. And now the first part was so good, we are doing a second part now. Maybe we do even a third one later, because it's just really fun. It's a great record. You talk about the energy of Soulfly, but did you think about like calling the original studio member and team up for this special tour without doing it with Soulfly? No, the idea was with Soulfly because that's to me, that's what's intriguing, because Soulfly is a great band, right? And Soulfly has a lot of power as a band. So I'm thinking, like, to put the power of Soulfly with Point Blank, then have Igor with the samplers, original backdrop. It's like, you know, it fits. It feels cool, and it's kind of underground, you know, like places like this, like we're playing tonight. It's sold out, but it's small still, mm-hmm. you know? So the shows are, almost all the Canadian shows were sold out. American, like, real packed, too. So it's an underground tour, but it's amazing. I'm having a lot of fun. Do you miss that underground feeling while you play big open air or festival? Did you need to go back to the roots without doing any words game, but did you need to go back in this kind of 200, 300 places, venue? To me, that's what the real metal is, you know, the real. Cause, I mean, festivals are great and it's fun, and I love playing them, and we do it every year. But you want to see the real thing come here, you know. This is like when you feel the band, you know, like near the fans, touching, feeling it, and sweating, you know, dirty, loud, you know, chaotic. Yeah, that's how metal is. This, you know, like, so for me, it's, when I'm in these kind of places, I'm at home, you know. I feel very comfortable. Donc, je suis avec Max Cavalera. On parle de la tournée de Nailbomb, l'album Point Black que Soulfly reprend dans son intégralité dans cette soirée ici, sold out à l'Antibar Spectacle du 16 mars. Je demandais c'était quoi le besoin de retourner en arrière, 20 ans, même il y a de ça 20 ans, pour jouer cet album-là. Et c'est une idée de Gloria, sa femme, qui lui a dit « Il me semble que vous devriez refaire cet album-là, mais avec Soulfly. » Et pourquoi avec Soulfly? Parce qu'il y a une énergie, une vibe incroyable avec ce groupe-là, et pour jouer les chansons de Point Black, lui et sa femme trouvaient que c'était une solution parfaite pour rendre un peu l'énergie de l'album, mais pas nécessairement avec les membres originaux. Je lui demandais aussi à Max quel était l'effet de retourner dans des petites salles un peu 200-300 personnes, en différence des grands festivals auxquels Soulfly peut participer. Et pour lui, c'est vraiment là que l'attitude métal se vit, c'est là que les gens ont chaud, c'est là que les gens sont proches du groupe, c'est là qu'ils ressentent l'énergie, c'est là que c'est lourd, le son est élevé, et c'est pour ça qu'ils préfèrent jouer dans des petites salles comme ça. Et c'était pour eux une belle tournée jusqu'à présent au Canada, beaucoup de shows sold out, et ça lui fait plaisir de jouer dans des petites pièces de même. So Max, we're going to hear a song of any Soulfly album, or maybe an album song. What do you want the listeners listen to of your art? I'm really liking on this tour Blind and Lost from Nailbomb. You know, it's a punk, complete cool punk metal song that live is just, it's the best song live. You know, everybody just goes crazy on it, and it's really fun. And I love the message also, because it's like about people that just follows without looking, you know. They're just blind and they're lost, you know. Like a lot of these Trump followers and people like that, you know. So it's perfect for right now, Blind and Lost. De Nailbomb, c'est KRL 89.1. On vient tout de suite après. On continue notre entrevue avec Max Cavalera de Soulfly. On est de retour à CKRL 89.1. J'étais avec Max Cavalera ce soir de Soulfly, juste avant leur spectacle ici à l'Anti-Barré Spectacle, spectacle sold out où Soulfly va jouer l'album, d'un album Point Black de 94 au grand complet. So Max, just before the song, we were telling that this album came out in 94. You did a couple of tour, like the Roots tour a few years ago to celebrate Sepultura album. Now, 20 years that you released the first Soulfly album, 98, do you consider doing something special for the self-title? Well, we're going to have a new Soulfly record in August, you know. And it's great because it is kind of a homage to first Soulfly because it's got tribal stuff on it, like the first Soulfly. It's really, I'm calling it a tribal thrash album because it's got tribal and it's got like a lot of death metal, thrash metal. You know, so it's a really cool mix. And I think we're going on tour with Niall after the Snailbomb tour. It's Soulfly and I think for the first 30 minutes we're gonna play only stuff from the first album. Okay. And then the other 30 minutes is like, you know, all the best Soulfly songs of all time. But I think it's cool. It's 20 years, you know. The first album came out 20 years ago. It's a special date. And we're going to commemorate by releasing an album, which is, I think, is the best way to commemorate 20 years, is making new music. Sometime a great way to commemorate or just look back on the past of an album is to release a live set from that area. Did you consider to release a live, official live CD, DVD, or whatever, just like this European Dynamo Festival will do with the Soulfly show from 98? I don't know about it. No, you don't know about it? No. My question was, in fact, you don't have a lot of live stuff from Soulfly. Will you work on something soon on the live? For me, you have to be like really exotic, like Russia or, you know, Quebec City, you know? Yeah, like some place we don't play all the time, you know. Not like New York or LA or London, you know. So it's like like Vietnam or Russia, Siberia, you know, Soulfly live in Siberia, you know. North Pole. Yeah, North Pole. Moon, you know. we don't have any plans for live record right now. We are very excited for our new album. The new album is killer. I think a lot of people are going to love this new Soulfly because it's like kind of like what Best World is, because you have the tribal back, but you still very heavy, like the Archangel stuff, you know. So it's Best of Both Worlds. That tribal vibe, was it influenced or by the Roots tour that you did so much and you had some tribal song on this? Was it inspired a bit from that tour? Maybe a little bit, you know. I mean, I always wanted to bring it back. I was just waiting for the right time, which is kind of cool to do the way I do it. Like, we take breaks from things. So for many years, I've been releasing albums now without a lot of tribal stuff on it. And now to go back and put it on one, it's like fresh and new again. It's like old is new again, you know. So the way the record was created, it was really special. We had Josh Wilbur producing. He's a producer of Lamb of God, Gojira, you know, and Killer Be Kill. He really helped make this record really big, really special. It does have a special feeling. I think it's in my opinion, some of the best Soulfly stuff we ever done is on this new record. So we have to wait, you know, until it's out. But I feel very excited for it. Donc, je vous rappelle, je m'entretiens avec Max Cavalera. On est le 16 mars, juste avant leur spectacle ici à l'Anti. Je lui demandais s'il y avait quelque chose de prévu pour le 20e anniversaire de l'album éponyme de Soulfly qui est paru en avril 1998. Et il me dit qu'il y a un nouvel album qui s'en vient au mois d'août pour Soulfly et que sur la prochaine tournée de Soulfly, cet été, il y aura un 30 minutes consacré au premier album de Soulfly et l'autre 30 minutes, un espèce de greatest hit, si on veut, des meilleures chansons de Soulfly, du groupe. Et que ce nouvel album-là, qui sortira au mois d'août, c'est un album un peu trash, mais aussi avec des rythmes tribaux, comme on a pu l'entendre sur le premier album de Soulfly. Alors, il est très, très content du résultat. C'est probablement un des meilleurs albums qu'ils ont fait dernièrement. Et je lui demandais s'il n'y avait pas des plans pour sortir des albums live, quelque chose de live, parce qu'on n'a pas grand-chose de Soulfly live. Et je lui ai appris qu'un festival en Europe, le Dynamo Festival, allait sortir très prochainement un album live de Soulfly de 1998 lors d'un de leurs passages là-bas. Alors, il ne savait même pas, mais pour l'instant, il n'y a rien de prévu au niveau d'enregistrement de concerts. Il faudrait que ça soit quelque chose de très exotique, des places qui ne jouent pas vraiment très souvent, comme New York, Los Angeles ou Londres. Ils ne voudraient pas enregistrer quelque chose de là, mais plus des places comme le Vietnam ou la Sibérie ou la Russie. Puis là, bon, on est parti le Pôle Nord, tant qu'à y être et tout ça. Alors, c'est pas dans les plans, malheureusement, pour l'instant. So, Max, we're going to hear another song of any Soulfly record. What do you want the listeners to listen to before we come back for the end of the interview? I really like Sodomites from Archangel. You know, it had Todd from Nails on it, and it was a really cool song. I think it's very heavy, real Black Sabbath kind of beginning, and then has a really powerful ending, real fast, real aggressive. And it's very biblical too, the song, the lyrics from the Bible, you know, from this, the destruction of Sodom. So Sodomites. À CKRL 89.1, Soulfly, et on vient tout de suite après pour la fin de notre revue avec Max Cavalera. Je rappelle qu'on est toujours dans le radioton de CKRL 89.1. Soyez généreux, 640-2575, ckrl.qc.ca. Et surtout, venez nous voir ici au 405 3e Avenue. On a un show de The Heartborn qui s'en vient dans quelques instants. Venez prendre une petite mousse avec nous, ça nous donnera un petit peu de sous dans nos poches et vous du plaisir dans votre bouche. On est de retour à CKRL 89.1. Je vous rappelle que je suis avec Max Cavalera ici à l'Antibarré Spectacle de Québec. Qu'est-ce qui s'en vient pour Soulfly dans les prochaines semaines, prochains mois? So, Max, what's coming up for Soulfly in the upcoming weeks, month, apart this new record in August? Yeah, we, you know, we have to finish this tour. This tour, I think, is like 10 more shows. And then we have a full American tour with Nile, which is gonna, it's called From the Amazon to the Nile River tour. And that should be really great, you know, amazing. I like Nile a lot, and they also commemorate 20 years of Catacombs, you know, so, you know, it's going to be a great tour. I think we have some festivals for the summer. I'm going to work a little bit on Killer BQ, write some new songs for next year, and after Soulfly comes out, more touring. I hope we come back to Canada. I really, this idea we had, we just did 17 shows in Canada for the first time, you know, and it was fantastic. I love it, you know, places like Timmins and Thunder Bay, you know, it was so exciting, so I want to do it again, you know, hopefully with Soulfly, with the new record, we can come back to Canada and play all again, all over again. How about the Cavalera Conspiracy? You released an album not quite long ago. Yeah. What's the plan for Cavalera Conspiracy? Well, we gotta try to squeeze here. The problem is time, you know. We need more time. Yeah. You know, I need more hours in the day. By some. Yeah. You know, I love Psychosis. I think Psychosis was a great record. You know, I think it was really trash, really death metal. You know, so I think, you know, after in the summer, I think we have to make a Cavalera tour. You know, a full tour, America, Europe, you know, and maybe Canada also. And I think Canada loves metal, and they love a lot of my stuff, so it shouldn't be a problem coming back here with Cavalera or Soulfly, you know. So thanks again for having the time. And a last question. Your son is drumming with you. We're together. Igor or Zion? Who's your favorite? I mean, as a proud father, of course, Zion, you know, because, like, my son, I gave birth to him, and, you know, and I get to be a little bit more bossy, you know, tell him more to do. With Igor, it's a little bit like, a little bit more like, I don't want to, you know, we piss him off or something, you know. With Zion, I can tell him, you got to do this, you got to do that, you know. But he's becoming a great drummer. You see tonight. Yeah, it's amazing, and like really, really. I was quite impressed last year at Montebello Rockfest. You know, I was like, whoa, that's something. Yeah, just behind the drum kit. Better and better. Tonight you see it's like amazing drumming, really powerful, and he plays great on the new Soulfly. So, you know, tonight I have both my sons on stage. You know, Igor is doing vocals for Nailbomb and keyboards, and Zion's doing drums. So it's a great show. Donc, les deux garçons de Max sur scène ce soir et pour le reste de l'année, ben, de la tournée. Et c'est pas mal ça qui va occuper Max, soit que avec Soulfly ou encore Cavalera Conspiracy, et aussi quelques écritures pour le prochain album de Killer Be Killed. So, Max, thanks again for having the time and see you soon around with one of your other bands. All right. Thanks. Merci. Une petite dernière pour la route avant de s'en aller pour la prestation de The Oddborn, ici dans nos studios du 405 3e Avenue, qui sera évidemment diffusé dans quelques instants, mais aussi sur Facebook Live, si tout va bien. Surveillez nos pages CKRL démentiellement vôtres. Vous devriez voir ça dans quelques instants. Voici Back to the Primitive dans ce Radioton. Soyez généreux, 640-2575, ckrl.qc.ca ou ici au 405 3e Avenue. On vous attend, spectacle gratuit. Je vous le rappelle dans quelques minutes. CKRL HD. Une radio haute décibel. Vous êtes toujours au Radioton 2018 de CKRL 89.1. Un peu de bruit, mesdames, messieurs. On a The Hot Barn ici en studio. On vous invite à aller sur le site Facebook de Démentiellement Vôtre si vous voulez voir la prestation en direct. Il y a de la place ici au 405 3e Avenue à Limoilou. Vous êtes dans le coin, venez-vous-en. Il y a de la bière, il y a du monde, il y a du plaisir. Mesdames et messieurs, The Hot Barn! Yeah! bien tout le monde? Est-ce que vous êtes content d'être ici ce soir? Oui, c'est bon ça. Écoute, il n'y a personne, mais Chris, ça crie. Bon, écoutez, la prochaine va venir vient de notre premier album qu'on a sorti l'année passée. La toune parle de l'orgueil. Elle s'appelle Pride. Plus calme. Chanson d'amour. Oui, c'est une petite chanson d'amour, c'est une belle petite balade. Elle parle de toutes les vices, de ce que l'argent peut donner. La prochaine s'appelle Lost. Born à CKRL 89.1 live dans nos studios. Merci, merci. On fait une courte pause et on revient encore avec d'autres chansons de The Outborn à CKRL 89.1. C'est le Radioton, CKRL.qc.ca. Soyez généreux. Seb's, la maison de thé qui vous offre une superbe sélection de plus de 180 thés fins et aromatisés importés directement du producteur. Seb's, c'est des théières traditionnelles et contemporaines et une multitude d'accessoires et d'idées cadeaux. Découvrez dès maintenant nos nouveaux arrivages de thé vert de la récolte de ce printemps et goûtez la différence de la fraîcheur. Visitez-nous au 67 René Lévesque Est ou naviguez sur sebs.ca pour connaître les dates de nos ateliers axés surtout sur le plaisir de la dégustation. Radio Tour de CKRL 89.1. The Outburn est dans la place. Un peu de bruit! pas comme ça on fait ça. C'est... Lui va vous le montrer. Comment on fait ça du bruit? Il est presque 23h30. J'ai des chiffres préliminaires à vous donner concernant notre grande collecte de fonds. Nous sommes maintenant rendus à 10 127 $. Franchement, bravo. L'objectif est de 42 000. Il reste du chemin à faire. On vous encourage à écouter CKRL pour le restant de la fin de semaine. Et surtout, vous allez sur ckrl.qc.ca. Vous nous appelez au 418-640-2575. Vous misez sur les lots, les encans. Vous mettez de l'argent dans la bière là-bas. Puis on écoute The Hotborn live au Radio Ton de CKRL 89.1. Yeah! Come on! Fire! vous êtes prêts à dire? Est-ce que vous êtes prêts à dire un gros mot pour la radio? Oh! J'aimerais vous entendre dire le mot fist fucking! Bon. Bon, ben, regarde, celle-là, c'est pour Will, de Black Cox pis de Apes. Merci. Bon, hey, je sais que vous aimez tous bien ça, puis que vous en voulez encore beaucoup. Mais moi, je m'en vais me coucher. Ben non, c'est pas vrai. Hey, il nous en reste une dernière. S'il vous plaît, pensez, soyez fâchés, ça parle de la colère. Ça vient encore de notre premier album. Si vous en voulez, si vous voulez de la merch de The Altborn, il y a toujours façon de nous rejoindre par notre Facebook. Puis, si vous êtes gentil, on peut même aller vous le livrer chez vous. Cool. Donc, la prochaine toune parle de colère, parce que c'est la dernière toune, puis on est en tabarnak. Fait que la prochaine s'appelle... Ah, c'est vrai, on joue demain à Trois-Rivières aussi, à l'After Hour, à l'After Party de Trois-Rivières Metal Fest. Ceux qui sont à Trois-Rivières. Hey. Bon, donc, la prochaine s'appelle... Yeah! Encore une fois live. Ici à CKRL 89.1, c'est le Radioton. On est pas mal tous sourds. On va prendre quelques minutes avant que l'émission se termine pour jaser un peu avec les gars. Demain soir, vous êtes à Trois-Rivières pour le Trois-Rivières Metal Fest, un after show. L'after party dans le fond du Trois-Rivières Metal Fest. On joue avec Intronil qui sont un band du Mexique, un band de filles du Mexique. Ça va être malade, c'est l'after show. Nous autres, on joue à 1h du matin. Puis ça va être malade. Moi, je vous le dis. J'ai une petite question pour toi. As-tu des enfants? Oui. Est-ce que quand t'es chicane, est-ce que tu sors ta voix ou. Ben, il n'est pas encore rendu à ce stade-là. Mais il sait c'est qui le boss. on va se mettre ça au Doc Mayou. On pourrait dire qu'il n'y a même pas 6 mots, puis gros, déjà plus grave que toi, effectivement. Il y a des techniques qui sont prises. Les gars, vous avez un album qui est paru l'été dernier. Parlez-moi un peu, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez vendu beaucoup de copies? Les shows, les gens apprécient comment? Ben, écoute, on a fait quand même beaucoup de shows. C'est notre deuxième édition de print qu'on vient de faire là. Les albums, ça se vend quand même assez très, très bien. Là, présentement, on est déjà en train de travailler sur un deuxième CD qui va sortir sur le label de PRC, sur qui on vient juste de signer. C'est un beau label, ça va nous donner des belles possibilités. Puis en même temps, ben, comme je dis, le deuxième album, normalement, devrait arriver en 2019. Automne 2019. C'est sûr qu'on se laisse quand même un peu de jeu. Mais si tout va bien avec qu'est-ce qu'on a appris avec le premier album, le deuxième album devrait être un petit peu plus lourd, un petit peu plus mature, puis un petit peu plus noir aussi. Ça va être un petit peu plus méchant. Justement, vous en avez fait une toune tantôt, là, qui est quand on a recommencé l'émission. C'est une nouvelle toune du prochain album qui va paraître sur PRC. Vous avez signé ce contrat-là dans quelles circonstances? Dans le fond, c'est pour notre prochain album. Dans le fond, c'est carrément pour sortir notre prochain album. Là. C'est arrivé comment? Comment vous êtes fait remarquer? Ben, c'est nous autres qui étaient allés écrire à PRC. Puis le gars, dans le fond, était super intéressé à nous avoir. Puis tu sais, ça a pris deux jours. Puis on avait une réponse de PRC. On a parlé, on a négocié avec le gars. Puis le gars était super enthousiaste de nous avoir. Puis surtout pour un deuxième album. Surtout que le premier a quand même pas mal pogné. Puis on a fait quand même pas mal de shows avec ça là, aussi. Donc pour vous, ça représente une meilleure distribution? Peut-être plus de shows ailleurs au Québec? On espère plus de shows ailleurs au Québec, peut-être aussi un petit peu sortir de Québec, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que PRC aussi a une belle visibilité pour ce qui est la scène locale, justement. Donc, une bonne réputation, donc ça va être simple aussi de pouvoir aller, de pouvoir jouer un petit peu partout. Puis PRC fait une super belle promo, fait que moi, on est pas mal content de ça, là. Avez-vous des projets de vidéos, peut-être, pour les prochains mois? Ouais, mais je vais parler. Ah, bonne question. Non, on est sorti du studio il n'y a pas très, très longtemps. On a travaillé attends un petit peu. On a travaillé un cover qu'on a fait régulièrement en show. On ne donnera pas de nom, mais ceux-là qui étaient là vont le savoir. Pas sûr qu'il va y avoir une vidéo. D'après moi, c'est sûr que prochainement, ça va être ce qui va sortir là, dans un futur proche. C'est sûr et certain. C'est sûr aussi qu'on a parlé qu'éventuellement, peut-être un deuxième vidéoclip d'une des tunes du premier album, de Seven, ça pourrait être pas pire aussi. On est en train de checker les possibilités, puis peut-être cet été, avec le festival d'été aussi en même temps, prendre peut-être une coupe de tête là-dessus, on sait pas trop encore non plus. On est en train de brainstormer là-dessus. Là. On va peut-être essayer de vous sortir un autre vidéoclip, là, c'est sûr et certain. Hein. Est-ce que le festival d'été, c'est votre prochain choix à Québec? Vous avez d'autres choses de prévues dans le coin? C'est pas mal le prochain show à Québec. On s'est tenu un peu plus tranquille. On se tient un peu plus tranquille là, prochainement pour les spectacles à Québec. On a eu quelques offres que malheureusement on a dû refuser suite justement là, au festival d'été là, pour essayer de garder notre crowd le plus possible là, pour le FEC. Sérieusement, ça va être très très plaisant jouer au festival d'été. Là. Carl-Emmanuel Picard nous a fait une petite fleur en nous mettant sur le set. Là, on est content. Vous jouez quelle date? On joue le 9 juillet à 17h. Okay. Donc, c'est juste avant d'aller manger? C'est juste avant d'aller voir les Foo Fighters. Fait que tout le monde en passe, tout le monde vient prendre une coupe de hot dogs sur la terrasse. Viens voir le show des Oldborn, puis après ça, on monte une méga gang, puis on s'en va voir les Foof. Les Foo Fighters, c'est plein. C'est des choses qui arrivent. Montréal au Foof. The Oldborn, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Une bonne main d'applaudissements. Et en ce qui nous concerne, le Radioton se poursuit, je vous le rappelle, c'est l'émission spéciale Le Démentiel m'en vaut. On mettra des vidéos de la prestation sur les pages du groupe et de Démentiel m'en vaut. On vous encourage à nous appeler au 640-2575 toute la journée demain, dimanche aussi. Et vous faites un tour sur notre site web ckrl.qc.ca. J'aimerais remercier tout le monde ici en studio. J'aimerais remercier l'équipe technique là-bas derrière la console. Bigou, il y a aussi Jacques à la mise en onde, donc Pat Simon, merci beaucoup. The Oldborn, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, d'être là chaque semaine, fidèles au poste, et merci pour votre grande générosité en cette si belle campagne de sollicitation pour CKRL. Voilà, je pense qu'on peut se laisser sur un gros merci. Et encore une fois, rock on ou metal on, comme dirait l'autre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous charisse. Salut, bye, à la semaine prochaine.